toi-même et toi bien. Marseille. Génération flamme sans tirelire. Devant la juge on pète le champ quand on s'en tire libre. C'est le son des honnards sans bling bling. Anti-flic devant la patch, j'anticipe. Une balle suffit, pas besoin de s'en prendre neuf comme 50. On fait partie de ces gens qui méritent, de ces gens qui dépriment. Je te jambe que des dribbles à la Franck Ribéry. Avec l'État c'est l'amour impossible. J'crie fuck les stars quand les poteaux du commissaire Moulin poursuivent. Un stylo pour découper les cahiers, mon couplet carré, coup de reine de gauche à droite, c'est du rap coupé décalé. Ma sortie est plus attendue que celle de Mandela. Lyrics des favelas dans le game comme GTA San Andreas. J'veux pas couler comme Philippe Rizzoli. Dans nos concerts les tifosi bougent la tête, tête, tête, tête jusqu'au torticoli. Mon malheur illisible, visible sur le qui-vive. Ce qu'on veut c'est du liquide afin de sortir du coco coma éthylique. Ce soir le mot d'ordre c'est déguste, mets-toi bien. Un son qui régale du début à la fin. C'est de la rue, c'est de la zone, tu vois bien. Le son qui claque, claque, claque, claque à la bien. Bien, ce soir le mot d'ordre c'est déguste, mets-toi bien. Un son qui régale du début à la fin. C'est de la rue, c'est de la zone, tu vois bien. Le son qui claque, claque, claque, claque à la bien. On fait les courses lourdes dans le bout de course. Mélanger du caviar au couscous. Les coups de mousse ne servent à rien s'il n'y a pas de flou. Scouse, écoute, boost avant les 12 coups. La new school te couche, boum, on taffe en zoom zoom. J'irai comme Toll, le pen à la Rome, on est tous pour. Si tu es un traître, n'attends rien en retour car la roue tourne. Hardcore est cool car blanc, négro et crouille. Bouge leur couille et leur foufoune sur fond de son soul groove. J'attends le jour où l'argent leur sera pour nous. Man, j't'en pas la joue, mon rap gagnera la coupe. Le tien goûtera la foudre, les rats sont dans la cour. Le poisson dans la gourde, l'état faut rien à foutre. Ça vient du Wahed, l'état commémorable sont les dégâts. Je mets des phases avec des vibes et je dégrade, tu sais déjà. À travers ma voix, je fais parler méga grève. Les étages, crame les étapes, c'est quoi mon taf, mac et les bacs avec des basses. Ce soir, le mot d'ordre, c'est déguste, mets-toi bien. Un son qui régale du début à la fin. C'est de la rue, c'est de la zone, tu vois bien. Le son qui claque, claque, claque, claque à la bien. Bien, ce soir le mot d'ordre c'est déguste, mets-toi bien. Un son qui régale du début à la fin. C'est de la rue, c'est de la zone, tu vois bien. Le son qui claque, claque, claque, claque à la bien. Bien, les frères de rue tiennent les murs bronze au clair de lune. La fraîcheur vient du sud, le son fait des émules. N'est pas la rage, c'est sans rancune. J'attends mon dieu, les temps sont durs, j'suis dans ma bulle. Avec une plume, ça fume à l'affût des stupes. Ici, c'est 100% crapule. Les minomènes des vies d'adultes, jamais de caisse à vive allure. Ma vie, c'est belle sur des ratures. Moi, j'veux juste être à l'aise et pas plus. Je viens des quartiers crades, non pas des quartiers chics. J'fais pas le brave s'il y a la moindre occasion, t'écarte les cuits. Ma musique parle aux jeunes, c'est l'état qui s'affole. Le flow, la voix, les thèmes, ma foi, les punchlines qui accrochent. Lyrique à l'attentat, l'artiste qu'on n'attend pas. De Mars à Atlanta, la misère m'accompagne quand le rap n'est pas rentable. J'mets mes maîtrises de son et représente pour mes honnards. Des dédicaces Amazon, c'est pour tout, tous les tollards. Lève, lève les bras en l'air, ce soir c'est bordel au programme. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pour tout le monde le même combat. Ce soir le mot d'ordre c'est déguste, mets-toi bien. Un son qui régale du début à la fin. C'est de la rue, c'est de la zone, tu vois bien. Le son qui claque, claque, claque.